Chapitre 83. André et Julien aperçoivent les Pyrénées. Le cirque de Gavarnie et le gave de Pau. Les montagnes, avec leurs neiges et leurs glaciers, sont comme de grands réservoirs, d'où s'écoule peu à peu l'eau qui arrose et fertilise nos plaines. Tout le long du chemin, le Perpignan s'arrêtait dans les villes importantes. À Béziers, les mariniers embarquèrent dans le bateau des eaux-de-vie qu'on fabrique dans cette ville. Plus loin, on chargea des miels récoltés à Narbonne, et renommés pour leur goût aromatique. À Carcassonne, on débarqua de la laine pour les draps, car dans l'antique cité de Carcassonne, perchée sur une colline et entourée d'une ceinture de vieilles tours, il y a de nombreux tisserands qui fabriquent des lainages. Au moment où on venait de quitter Carcassonne, le ciel, qui avait été nuageux jusqu'alors, s'éclaircit un matin, et Julien, en s'éveillant, aperçut vers le sud une grande chaîne de montagnes couverte de neige. Des pics blancs et de longs glaciers étincelaient au soleil. « Oh, dit Julien, on croirait voir encore les Alpes. »« C'est la chaîne des Pyrénées, dit le patron. »« Tiens, Julien, vois-tu là-bas ce pic pointu et tout blanc qui dépasse les autres de toute sa hauteur ? C'est le Canigou, la plus haute montagne du Roussillon. »« C'est de ce côté-là que je suis né, moi. »« Par là-bas, à droite, ce sont les montagnes de l'Ariège, ou du comté de Foix, riches en mines de fer. » Puis viennent les Hautes-Pyrénées, où jaillissent un grand nombre de sources d'eau chaude que les malades fréquentent en été. C'est dans le département des Hautes-Pyrénées que se trouvent aussi les plus beaux sites de ces montagnes, entre autres le cirque de Gavarnie, avec sa magnifique cascade et son pont de neige, qui ne fond jamais. « Est-ce que vous avez vu cela, patron ?» dit Julien. « Oui, mon ami, et même je me suis promené sous le pont de glace. Les arcades de neige gelées sont si hautes et si larges qu'on peut passer dessous facilement. » On a alors sur sa tête une belle voûte de neige brillante, ornée de découpures comme celles que les sculpteurs font aux voûtes des chapelles. En même temps, on marche de rocher en rocher dans le lit même du torrent, qui passe près de vous en grondant et en roulant les cailloux avec fracas. « Cela doit être bien beau à voir, dit Julien. Mais que devient-il ensuite, ce torrent-là, savez-vous, patron ? Ce torrent-là, eh bien, mais il continue à courir à travers les montagnes, en se creusant le lit le plus sauvage qui se puisse imaginer. Quand il arrive après 5 lieues de course au village de Saint-Sauveur, on le traverse sur un pont superbe de pierre et de marbre. C'est un des plus beaux ponts que j'ai vus. Le torrent coule dessous dans un abîme à plus de 80 mètres de profondeur. Puis il continue sa course désordonnée jusqu'à ce qu'il arrive à la capitale du Béarn, à la ville de Pau, patrie de Henri IV. Notre torrent s'appelle alors le Gave de Pau. Plus loin, enfin, il se joint à l'Adour, et devenu fleuve avec lui, à Bayonne, il reçoit les navires et les emmène jusqu'à l'océan. « Voilà une histoire de torrent qui m'a bien amusé, dit Julien. Oh, j'aimerais suivre ainsi le cours d'un torrent depuis la montagne d'où il sort jusqu'à la mer où il se jette. Et certes, ajouta le patron, tu n'en pourrais suivre de plus pittoresque ce sauvage gave de Pau. » Quand on approcha de Toulouse, le temps, tout en s'éclaircissant, s'était fort refroidi, et le vent soufflait avec force, comme d'ordinaire dans la plaine du Languedoc. Le petit Julien, quoiqu'il commençât à se servir de sa jambe, ne pouvait encore marcher beaucoup, si bien qu'à rester immobile les journées, au long, il y avait des moments où il se sentait glacé. Heureusement, le patron l'avait pris en affection, et quand il voyait à l'enfant un air triste, il l'enveloppait dans sa peau de mouton jusqu'au cou et lui faisait prendre un doigt de vin chaud pour le réchauffer. Grâce à ses petits soins, si le voyage ne se faisait pas sans souffrir, il se faisait du moins sans maladie. La récolte du miel à Narbonne. Les miels les plus connus sont ceux de Narbonne, du Gâtinais, de la Saintonge et de la Bourgogne. Les hommes qui récoltent le miel se revêtent de gants et d'une sorte de masque en fil de fer afin d'éviter les piqûres des abeilles, qui défendraient leur miel avec un acharnement furieux. La cité de Carcassonne. La vieille cité de Carcassonne est encore à peu près telle qu'elle était au Moyen-Âge. Elle se dresse au sommet d'une colline avec ses hautes murailles, ses tours aux formes les plus variées et ses portes fortifiées. La cascade de Gavarnie dans les Pyrénées. Le village de Gavarnie dans les Pyrénées possède un des plus beaux sites du monde. C'est un cirque immense, fermé par des montagnes couvertes de neige, qui se dresse tout d'un coup à pic devant le voyageur. Du haut d'une de ces murailles gigantesques se précipite une cascade haute de 800 mètres. Tout auprès se trouve le pont de neige. Pont de Saint-Sauveur dans les Pyrénées. Ce pont n'a qu'une seule grande arche. Il est jeté d'une montagne à l'autre, au-dessus d'un abîme d'une telle profondeur qu'on n'entend pas une pierre tomber quand on l'y jette.